L'arbre dans ses feuilles, Marie-Laure, Marie-Laure. L'arbre dans ses feuilles, Marie-Laure, don, don, et dans cet arbre, il y a une branche. Dans cet arbre, il y a une branche. La branche est dans l'arbre. L'arbre dans ses feuilles, Marie-Laure, Marie-Laure. L'arbre dans ses feuilles, Marie-Laure, dondé. Et dans ses branches, il y a un nœud. Et dans ses branches, il y a un nœud. Le nœud est dans la branche, ta branche est dans l'arbre. L'arbre dans ses feuilles, Marie-Laure, Marie-Laure. L'arbre dans ses feuilles, Marie-Laure, dondé. Et dans ce nœud, il y a un trou. Et dans ce nœud, il y a un trou. Le trou est dans le nœud. La branche est dans l'arbre, l'arbre dans ses feuilles, Marie-Laure, Marie-Laure. L'arbre dans ses feuilles, Marie-Laure, dondé. Et dans ce trou, il y a un nid. Et dans ce trou, il y a un nid. Le nid est dans le trou est dans le nœud. Le nœud est dans la branche est dans l'arbre. L'arbre dans ses feuilles, Marie-Laure, Marie-Laure. L'arbre dans ses feuilles, Marie-Laure, dondé. L'œuf est dans le nid est dans le trou est dans le nœud est dans la branche est dans l'arbre. L'arbre dans ses feuilles, Marie-Laure, Marie-Laure. L'arbre dans ses feuilles, Marie-Laure, dondé. Et dans cet œuf, il y a un oiseau. Et dans cet œuf, il y a un oiseau. L'oiseau est dans l'œuf, l'œuf est dans le nid est dans le trou est dans le nœud est dans la branche est dans l'arbre. L'arbre dans ses feuilles, savez-vous ce qu'il y a dans le cœur? L'amour, l'amour, l'amour. L'amour est dans le cœur est dans l'oiseau. L'oiseau est dans l'œuf, l'œuf est dans le nid est dans le trou est dans le nœud est dans la branche est dans l'arbre. L'arbre dans ses feuilles, Marie-Laure, Marie-Laure. L'arbre dans ses feuilles, Marie-Laure, dondé. L'arbre dans ses feuilles, Marie-Laure.